Ça n'était pas Abu Dhabi, ni le désert Mojave. C'était chez moi, c'était Paris. Rien encore n'était grave. Tu m'appelais tous les lundis et tu passais quand même. C'était en plein après-midi et nous avions la flemme. J'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. J'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. À tempo, tu tournais la tête, te balançais les tresses. Le vent glaçait par la fenêtre où tu fumais sans cesse. C'était pour aujourd'hui peut-être, ou aujourd'hui en huit. Prendre dans mes deux mains la lettre et mon courage. Ensuite, j'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. J'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. Tu finis la lecture de mon aveu nouveau. Quand tapait la température de mon sang, de ma peau. Rien pour moi dans ton cœur trop dur, rien ne verra le jour. Alors j'ai enfoui les brûlures acides de l'amour. J'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. J'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. J'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. J'avais chaud, chaud, chaud, j'avais chaud. J'avais chaud, chaud, chaud. Cette femme que j'attire, 100 ans après ce jour, et la première à m'envahir, 100 ans après ce jour, la première à me rafraîchir, 100 ans après ce jour.